إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. Donc nous continuons le cours concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'auteur du livre dit: puis il se prosterne sur sept parties de son corps, sept membres, comme l'a stipulé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été ordonné de me prosterner sur sept, littéralement sept os, sept membres, sur le front. Et il désigna de sa main aussi son nez, les deux mains, les deux genoux et la pointe des pieds, des deux pieds et la pointe des deux pieds. C'est un hadith muttafaqun alayhi, c'est-à-dire unanimement reconnu, authentique, d'après la version d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Puis il dit à ce moment-là, alors qu'il est en prosternation: Subhan Rabbi al-A'la. Puis il se relève de sa prosternation en prononçant le takbir. Puis il s'assoit sur son pied gauche et il lève le pied droit. Et c'est ce qu'on appelle al-iftirash. Et il fait ceci dans chacune de ses positions assises dans la prière, sauf dans le dernier tashahhud où il fera ce qu'on appelle at-tawarruk, à savoir qu'il s'assoit par terre et qu'il sort sa jambe gauche qui viendra se placer en dessous de sa jambe droite. On va essayer d'expliquer ceci, inshallah tabaraka wa ta'ala. Pour reprendre un petit peu ce qu'on avait vu depuis le début de la prière, brièvement, si on refait une brève rétrospective du début des cours concernant la prière, nous avons vu tout d'abord qu'il commence et qu'il rentre dans sa prière par le takbir de sacralisation, takbiratul ihram, qui est un des piliers de la prière, comme je vous le rappelle. Ensuite, lorsqu'il a dit ceci, il lève ses mains en même temps, ou juste avant, ou juste après. À ce moment-là, lorsqu'il a prononcé le takbir, et après avoir levé les mains, il fait l'invocation de l'istiftar. Pour ceci, je vous renvoie au cours précédent, inshallah tabarak wa ta'ala, car nous avions déjà détaillé tout ceci. Par la suite, il cherche la protection auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, puis il lit al-Fatiha. Il lit al-Fatiha, et pour al-Fatiha, al-Qawl al-Sahih, c'est que al-Basmallah fait partie d'al-Fatiha. Donc il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Et on dit ceci, celui qui a oublié de dire al-Basmallah, alors sa prière se verra annulée, ou la raka'at en question se verra annulée, suivant les circonstances. Ensuite, il lit ce qui lui est facile ou ce qu'il peut du Coran. Et nous avions aussi détaillé par rapport à ceci, qu'est-ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes prières. Et quelle partie du Coran il lisait dans les différentes prières. Tout ceci relève de la sunna, mais au final la personne a le choix de lire ce qu'il veut. Ce n'est pas une obligation de se conformer à ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète n'a rien ordonné sur ceci, hormis al-Fatiha. Donc, à la base, un acte du prophète renvoie à quelque chose qui est sunna, sunna dans le sens mustahab. Et on ne peut pas dire que cela est obligatoire, sauf si on a une preuve qui nous montre le caractère obligatoire de ces choses-là. Donc, lire le Coran après le Fatiha, tout ceci est recommandé et la personne au final a le choix de lire ce qu'il veut. Mais s'il se conforme à la sunna du prophète en lisant ce que le prophète lisait, alors dans ce cas-là, il aura récompense supplémentaire pour son suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il lève les mains et il commence à descendre en inclinaison en disant Allahu Akbar jusqu'à se positionner en position d'inclinaison. Et nous avions évoqué la semaine dernière comment doit être l'inclinaison de la personne, à savoir qu'il doit avoir le dos droit, qu'il doit regarder à l'endroit où il se prosterne, que sa tête doit être dans l'alignement de son dos. Là, ça c'est quant à la posture. Les mains sont sur les genoux. Et les pieds en direction de la Qibla, dans la même position qu'ils étaient lorsque la personne était debout. Voilà les choses à respecter dans le recours en tant que position. Qu'est-ce qu'il faut dire dans ce recours? On avait dit qu'il fallait dire au moins une fois Subhan Rabbi al-Azim. C'est l'obligation. Celui qui le dit trois fois, alors ça c'est ce qu'on appelle Aqallul Mustahab. C'est le Mustahab minimum. Il peut monter beaucoup plus, même 100 fois, 200 fois. Sauf s'il est imam, il le dira que 10 fois maximum. Non, sauf s'il est imam, dans ce cas-là, il s'en tient à 10 fois maximum. J'ai dit minimum, maximum. Quant à celui qui est tout seul, alors le champ libre, il a le champ libre, inchallah, il peut monter et réciter ses doigts autant qu'il veut. Et d'ailleurs, il y a des hadiths qui nous prouvent ceci, à savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il restait en prosternation et il restait en inclinaison aussi longtemps qu'il restait debout. Ce qui prouve qu'il disait ses doigts dans l'inclinaison et dans la prosternation à répétition. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se relève de l'inclinaison en disant Sami'a Allahu liman hamida. Nous avions expliqué qu'est-ce que signifie cette doigts. Sami'a Allahu liman hamida. Qu'Allah exauce, entende et exauce celui qui le loue. Et lorsqu'on est debout, on dit à ce moment-là, Rabbana wa lakal hamd. Ça, c'est ce qui est demandé au minimum. Et nous avions vu qu'il y a aussi d'autres choses qui sont tout aussi légiférées de dire à ce moment-là. Je vous renvoie au cours précédent. Ensuite, comment doivent être la position des mains lorsqu'ils se lèvent du recours? Nous avions vu qu'il y a une divergence chez les savants, à savoir, est-ce que les mains doivent revenir dans l'endroit où elles étaient avant le recours, ou les mains doivent être du côté, de chaque côté, des flancs de son corps, c'est-à-dire de part et d'autre de ses flancs. On avait dit que ceux qui disent que les mains doivent rester le long du corps et ne doivent pas être replacées sur la poitrine n'ont pas de dalil. Effectivement, il n'y a pas de dalil dans la sunna qui nous montrerait que le prophète avait remis ou mettait ses mains après s'être relevé de l'inclinaison le long de son corps. Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Deuxième chose, nous avons un hadith hadith de Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui rapporte la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il disait: nous étions ordonnés de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Fis salati. Dans la prière, avec l'article, dans la prière. Donc c'est un hadith qui est général et dont on ne peut déroger sauf si on a un autre dalil qui vient le restreindre. Sur la base de ceci, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, nous en concluons, et d'ailleurs c'est l'argumentation de Cheikh Al-Faymin et de Cheikh Ibn Baz, pour ne citer qu'à notre époque, qui disent que, au final, la personne, à la base, lorsqu'il est debout, a, jusqu'à preuve du contraire, doit avoir les mains sur la poitrine, et nulle part ailleurs. Donc le premier avis disent, on n'a aucun dalil qui nous dit, qui nous ordonnerait de remettre les mains sur la poitrine. Et le deuxième avis, c'est ceux qui disent, on n'a aucun dalil pour dire que les mains doivent rester du côté du corps ou le long du corps. Mais le dalil, c'est celui-là. Donc, en conclusion, on remet les mains comme elles étaient avant le recours. À la Kulihan, ce n'est pas des sujets qui doivent créer la dissension et la division parmi les frères. Nous rentrons dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. L'auteur du livre rentre dans la problématique de la prosternation. Thumma yasjudu ala a'dahihi sab'ati. Puis il se prosterne sur ses sept membres. La prosternation, au même titre que l'inclinaison, au même titre que la position debout, au même titre que l'al-Fatiha, et au même titre que Takbirat al-Ihram, est un pilier de la prière. Namirwa, man tarakahu batulat salatu. Celui qui délaisse la prosternation, sa prière est invalide. Wa man nasiya as-sajdata فقد بطلت ركعته أو صلاته. Et celui qui l'oublie, c'est soit sa raka'at est annulée, soit la prière, suivant les circonstances. On reviendra en détail sur ceci lorsqu'on étudiera le chapitre de Sujud al-Sahw. Donc, à la kulli hal, c'est un pilier. Il doit être accompli. Taïb. Donc il part en prosternation, il est debout, les mains sur sa poitrine, et à ce moment-là il dit, ou il lève les mains et il part en sujoud en disant Allahu Akbar. Ce takbir-là, nous avions dit la semaine dernière qu'on l'appelle comment? Al-intiqal, takbiratul intiqal. Ce sont des takbirat, des formulations qui sont liées à des mouvements. À chaque fois qu'on passe d'un rukn, d'un pilier à un pilier, ou d'une obligation à un pilier, ou d'un pilier à une obligation, nous disons ce takbir d'une manière générale, donc il est lié au mouvement, donc il doit être dit dans le mouvement. Non pas quand la personne est debout, et non pas quand elle est arrivée à prosternation. Il le dit dans le mouvement, au même titre que le rukou. Donc, il est debout, et il lève les mains, il commence à descendre, et là, à ce moment-là, il dit Allahu Akbar. Dès qu'il a commencé le mouvement. Ceci est corroboré par le hadith de l'imam al-Bukhari, où je vous renvoie ce hadith-là, c'est le hadith numéro 789, où il est clairement stipulé dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prononçait ce takbir alors qu'il partait en prosternation. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Omar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana la yarfa'u yadayhi hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait pas ses mains lorsqu'il partait en prosternation, de même qu'il ne levait pas les mains lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation. Non. Or, nous avons un autre hadith. Hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i wa Dar-Qutni avec des chaînes de transmission authentiques pour chacun des deux hadiths. كان احيانا يرفع يديه اذا سجد وكان يرفع يديه عند التكبير احيانا في رفع من السجود. C'est-à-dire ici كان احيانا يرفع يديه اذا سجد, des fois, parfois, il levait les mains lorsqu'il voulait se prosterner. Donc lorsqu'on rassemble les deux hadiths, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que la sunna, c'est de lever ses mains parfois, et non pas tout le temps. من أراد أن يصيب السنة فليرفع يديه أحيانا, qu'il lève ses mains parfois, et pas tout le temps. Et celui qui le fait tout le temps a contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même aussi, une masala que je rentre ici, lorsque la personne a fait ses deux prosternations et est prêt à se relever pour une autre raka'at, à ce moment-là, alors qu'il est encore assis, il lève ses mains et ensuite il se lève. Ceci a été prouvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il ne faut pas occulter dans le hadith d'Abi Huraira, c'est que le prophète, c'est qu'il dit que le prophète le faisait ahyanan, de temps en temps. Et chez les Arabes, ahyanan, ça peut signifier une seule fois seulement. Donc celui qui, avant de se relever pour une autre rakarat, lève ses mains alors qu'il est encore assis, et il le fait tout le temps, celui-là a contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la personne part en prosternation, pose-t-il d'abord ses mains ou ses genoux? C'est un sujet de divergence aussi chez les savants, qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. Non. La divergence, en fait, elle tient sur la compréhension d'un hadith. Hadith qui est authentique de surcroît, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ. Quand l'un de vous se prosterne, qu'il ne s'agenouille pas comme s'agenouille le chameau ou le dromadaire, si vous voulez. Et on a aussi une version du hadith qui nous dit juste après ceci, فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُقْبَتَيْهِ, qu'il pose donc ses deux mains avant ses deux genoux. Qu'il pose donc ses deux mains avant ses deux genoux. Le hadith rapporté par Abu Dawud wa al-Nasa'i est authentifié par Cheikh Al-Albani. Hadith, il est clair de sens, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on le regarde comment le chameau s'agenouille, on constate que, pour ceux qui ont déjà vu un chameau s'agenouiller, on constate que lorsqu'il a ses quatre pattes ancrées dans le sol, il va poser, on va dire, les coudes de ses pattes avant, puis il va poser sa tête, et ensuite il posera ses deux pattes derrière, ou les genoux des deux pattes derrière. Donc il fait comme ça, il pose d'abord l'avant, ensuite il pose l'arrière. Donc, si on a bien compris la façon dont il s'agenouille, il va falloir faire le contraire, car le prophète nous a ordonné de faire le contraire de ce que fait le chameau. Alors, Ceux qui disent qu'il faut d'abord poser les mains, ils s'appuient sur le hadith. فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُقْبَتَيْهِ. Il pose d'abord les deux mains avant les deux genoux. Il n'y a pas de discussion. On pose les deux mains avant les deux genoux. En fermant les yeux sur la manière dont s'agenouille le chameau. Alors que d'autres savants disent, si on regarde comment s'agenouille le chameau, on constate qu'il pose d'abord les genoux avant les mains. Comment est-ce possible? C'est-à-dire que ces genoux ici, pour lui, les genoux, c'est l'articulation qu'il y a ici, qu'il y a sur ses deux pattes avant. Là, donc, il fait comme ça, il les pose d'abord. Ensuite, il pose sa tête. Et ensuite, il plie ses deux jambes arrière. Donc, on fait le contraire. On pose d'abord les genoux et ensuite les mains. Alors, sur le hadith de Abi Dawud ou Nasa'i, comment ils répondent? Puisque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُقْبَتَيْهِ, qu'il pose d'abord ses deux mains avant ses deux genoux. Alors ils disent, ça c'est un inqilab, c'est une erreur du transmetteur du hadith qui a inversé les deux termes. Il a voulu dire, il doit d'abord poser les deux genoux avant les deux mains. Vous avez compris? Il dit sinon, on dit sinon, ça voudrait dire que le prophète se contredit, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne se contredit pas. Donc ça veut bien dire que celui qui a rapporté le hadith a inversé l'ordre. Au lieu de dire que le prophète a dit posez vos deux genoux avant les deux mains, il a dit posez vos deux mains avant les deux genoux. Donc, ça cette argumentation, c'est celle de Cheikh Al-Saymin et c'est celle de Ibn Al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. D'ailleurs, il reprend aussi l'istidlal de Ibn Al-Qayyim. Mais il dit, Cheikh Al-Saymin, Alhamdulillah, tabarak wa ta'ala, je ne m'appuie pas sur les paroles de Cheikh Al-Saymin pour justifier mes propos. Car ce n'est pas un dalil, Ibn Al-Qayyim. Il dit, mais le dalil pour moi, c'est la manière dont s'agenouille le chameau. Et la manière dont il s'agenouille nous montre que il pose d'abord ses deux mains avant ses deux genoux, si on peut dire comme ça. Donc, nous devons faire le contraire. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous demande pas de faire le contraire de ce sur quoi s'agenouille le chameau. Mais il nous demande de ne pas ressembler au chameau dans la manière de s'asseoir. Il y a une différence entre les deux. Car à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala compare des êtres humains à des animaux dans le Coran, c'est toujours à titre de blâme. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, en parlant des juifs et des rabbins de Bani Israël qui avaient la connaissance mais qui ne la mettaient pas en pratique. Donc Allah les a comparés comme un âne, comme des ânes plutôt, qui portent des livres. Est-ce que les ânes peuvent profiter des livres qui sont sur leur dos? Non. Donc, le prophète ici nous demande aussi de ne pas ressembler au chameau dans la manière de descendre en prosternation. Sur la base de ceci, nous devons d'abord poser les genoux. Or, Cheikh Al-Saymin dit quelque chose. Il dit, mais celui qui ne peut pas, pour X raisons, poser d'abord les genoux, un surpoids, une infirmité, la vieillesse, ou X raisons, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il pose d'abord les mains avant les genoux. Sur ce genre de khilaf, on ne pourra jamais en sortir, puisque c'est une divergence dans la compréhension du hadith et pas dans l'authenticité du hadith. Donc chacun restera campé sur ses positions. Donc on ne sortira jamais de cette divergence. Quelle est notre position à avoir par rapport à ceci? Il faut que la personne, comme on dit, yataharra as-sawab, il faut qu'il essaye de trouver ce qu'il trouve le plus juste et de plus cohérent, et il agit selon ce qu'il voit de plus cohérent afin de toucher la sunna, de faire ou de gagner l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, il est authentique. Sahahahu Sheikhuna al-Albani. On a un autre hadith de Wal ibn Hujr, rapporté par Abu Daoud, où il dit le contraire. Il dit Falyada yadei rukbatehi qabla yadeihi. Mais ce hadith-là, da'afahu al-Albani. Da'afahu. À la Kulhal Shab al-Saymin, il ne s'appuie pas sur ce hadith d'arif pour dans son argumentation. Non. Mais il nous dit, il suffit de regarder le chameau comment il s'agenouille et on fait le contraire. Non. Les choses à respecter dans le soujoud. Premièrement, il faut se prosterner sur, combien on a dit, 7 membres. Comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique. 7 membres. Donc nous avons Al-Jabha. Al-Jabha, c'est le front. Et le prophète, lorsqu'il a dit le Jabha, il a montré aussi de son doigt le nez. Car ça forme un seul os. Il n'y a pas de séparation entre le Jabha et le nez, n'est-ce pas? C'est un seul et même os. Donc ça fait un. Les deux mains, Al-Kaffayn, Al-Rukbatayn, c'est-à-dire les deux genoux, ou Al-Qadamayn, et les deux pieds. Ça fait bien 7, n'est-ce pas? Comment doit se trouver lorsqu'il est en prosternation, bien positionné, bien ancré dans sa prosternation? À quelle hauteur doivent se placer les mains? À quelle hauteur se placent les mains? Il y a plusieurs hadiths sur ça. Premièrement, on place les mains au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau des oreilles ou du front, de part et d'autre. D'accord? Ma tête est sur le sol. Et je place mes mains de part et d'autre de la tête. Ça, c'est le hadith de Muslim, d'après la version de Wa'id ibn Hujr. Falamma sajada sajada bayna kaffayhi. Lorsqu'il se prosterne, il se prosterne entre ses deux mains. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, on a un autre hadith rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Wa kana yaj'aluhuma. Et lorsqu'il se prosternait, il mettait ses mains à hauteur des deux épaules. Deux épaules, ou alors au niveau de la tête et du front. Les deux manières de faire sont légiférées. C'est une largesse qu'Allah nous a octroyée. Non. Ensuite, comment doivent être ses mains? Est-ce qu'il a les mains fermées? Est-ce qu'il a les mains comme ça? C'est-à-dire les doigts écartés? Est-ce qu'il a les paumes de main vers le ciel? Comment doivent être ses mains lorsqu'il est prosterné? Les mains doivent être étalées par terre. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna al-yadayni tasjudani kama yasjudu al-wajhu. Fa'idha wada'a ahadukum wajhahu falyada'a yadayhi, wa'idha rafa'a falyarfa'ahuma. Rapporté par Al-Hakim, authentifié par Sheikhuna al-Albani. Les deux mains se prosternent comme se prosterne le visage. Lorsque l'un d'entre vous pose son visage par terre, qu'il pose aussi ses deux mains. Et lorsqu'il relève son visage, qu'il relève aussi ses deux mains. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas les mains par terre. On va voir, Inch'Allah, qu'il va les mettre sur ses cuisses ou sur ses genoux. Donc les mains doivent être posées par terre, paume de main vers la terre, vers le bas. Et doigts bien tendus. Les doigts doivent être collés vers la Qibla. Non pas écartés, encore moins les poings fermés. Les doigts doivent être collés en direction de la Qibla. La position du soujoud maintenant. La personne qui part en soujoud, il doit être dans une position naturelle, où il se sent à l'aise. Voilà ce qui est demandé dans le soujoud. Donc, ne pas être trop mambateh, c'est-à-dire aller trop loin, poser son front trop loin de son corps, jusqu'à ce qu'au final, c'est ton front qui va supporter tout ton corps. Ça va fatiguer la personne. Et il ne faut pas non plus être trop près de telle sorte que ce sont tes cuisses qui vont porter ton ventre et ton dos. ce sont des positions inconfortables. La personne doit se trouver à l'aise dans sa prière. Quand bien même son dos il n'est pas droit. Ici, le dos droit n'est pas demandé dans le sujoud, contrairement au recours. Ce qui est demandé ici, c'est que la personne soit dans une position naturelle où il se sente bien. Une position intermédiaire entre l'inbétar, le fait de s'allonger, ou al-qaws, c'est-à-dire le fait de se recroqueviller. Les djimar. Quoi, dans une position normale, la personne se sente à l'aise, inshallah tabaraka wa ta'ala. Normalement, dans cette position, son ventre doit être décollé de ses cuisses. Normalement. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le numéro 532, i'tadilu fi sujoud. Positionnez-vous correctement dans le sujoud, dans la prosternation. Comment doit être la position des bras lorsqu'il est prosterné? Est-ce que les bras doivent être collés au flanc, au corps? Est-ce qu'il doit être allongé par terre, à la manière d'un chien qui s'assoit ou qui s'allonge? Ou alors ils doivent être élevés et séparés du corps? C'est la troisième solution qui est retenue, Inch'Allah. Non. Il lève ses deux bras et il ne les étend pas sur terre. Le sahabi qui a rapporté ce hadith, Bukhari, sous nom Misham, a dit « Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yaftarishu zira'ayhi » Il n'étendait pas ses bras par terre lorsqu'il était prosterné, sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien au contraire, comme on va le voir. Et aussi, rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. Lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. De telle sorte que, comme l'a dit Umm Salama, lorsque le prophète priait, une chèvre pourrait passer sous son bras. Facilement. Non, elle pourrait passer sous son bras facilement. Parce qu'il levait bien les coudes, sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceci, c'est légiféré quand la personne, elle prie tout seul. Mais quand elle prie en groupe, il ne peut pas faire ça, barakallahu fik. Sinon, il va gêner celui qui est à côté de lui, de part et d'autre. Donc, ici, il est légiféré qu'il ramène ses bras vers son corps. Et d'ailleurs, ici, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on ne délaisse pas une sunna pour commettre un interdit. On n'applique pas une sunna pour commettre un interdit. C'est-à-dire que si je fais ça, alors que je suis en groupe, je vais gêner celui qui est à ma droite et celui qui est à ma gauche. Et ça, c'est interdit. Tout ça pourquoi? Pour appliquer une sunna. Donc, on ne commet pas un interdit en appliquant une sunna. On préserve le fait de ne pas appliquer et commettre cet interdit au détriment de la sunna. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بيان إبطيه. Rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il écartait bien ses bras jusqu'à voir la blancheur de ses aisselles. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمغر بين يديه لمغرت. Ça c'est le hadith de Umm Salama que je vous ai cité. Lorsqu'il se prosternait, si une petite brebis voulait passer entre ses bras, elle pourrait le faire sans problème. Rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 496. Non. Ensuite, il lève ses pieds en les collant, sans les séparer. Il faut joindre les deux pieds. Ils doivent être debout et les orteils en direction de la qibla dans la mesure du possible. Mais les pieds doivent être collés et non espacés. La preuve de ceci, écoutez bien ce hadith. Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha qalat faqattu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laylatan min al-firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjidi wa huma mansoubatani. J'avais perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une nuit et je l'ai cherché dans la pénombre jusqu'à ce que ma main est tombée sur ses deux pieds ou sur la plante de ses deux pieds, alors que lui se trouvait dans le masjid, c'est-à-dire les appartements du prophète sont mitoyés en masjid. Donc le prophète priait et Aïcha était dans son appartement, elle a tendu la main, elle a trouvé les deux pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je finis ça. Wahuma mansubatan, et ses deux pieds étaient debout alors qu'il était en prosternation. Conclut ce hadith barakallahu fikum que si Aïcha avec sa petite main a pu toucher les deux pieds du prophète avec une seule main, ceci nous prouve que les deux pieds étaient collés. Magmumatan. Non, je crois. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc l'auteur du livre dit à la suite de ceci, Subhanarabbil A'la. Et ceci est une transition pour parler des sunnahs et des obligations à dire pendant la prosternation. Après avoir vu comment on se prosterne, la manière de faire la prosternation, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on doit dire durant cette prosternation. Rappelez-vous, dans le recours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de dire Subhan Rabbi al-Azim, n'est-ce pas? De même, dans le même hadith, le prophète nous ordonne de dire dans le sujoud Subhan Rabbi al-A'la. Le recours, comme on l'a vu, c'est une forme de déférence vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala. Non. Al-insanu yarka'u lillahi mu'azziman lah. Personne, elle s'incline devant Allah afin de proclamer sa grandeur. Quant à la prosternation, c'est un signe de soumission, d'humiliation de ta personne devant Allah tabarak wa ta'ala. Et d'ailleurs, la prosternation, elle a une valeur symbolique assez considérable. Pour preuve, lorsqu'on représente un musulman qui prie, dans quelle position on le représente, d'une manière générale, en prosternation? Même chez les mécréants, lorsqu'ils montrent des musulmans prier, ils les montrent le plus souvent dans la prosternation. Car ça a une valeur symbolique très forte, la prosternation. Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle signifie? Et qu'est-ce qu'elle dégage? La prosternation, c'est la meilleure manière de montrer le rabaissement de ta personne vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là, lorsque ton front est au même niveau que tes pieds, alors que le front et le visage, c'est la chose la plus noble chez l'homme, dès lors que tu les rabaisses au niveau de tes pieds, c'est-à-dire par terre, c'est à ce moment-là que tu dis Subhan Rabbi al-A'la. Tu te rabaisses, en même temps tu proclames la grandeur et la hauteur d'Allah tabarak wa ta'ala. Al-Ulu al-Zad wa Ulu al-Sifa. Allah, il est haut dans son essence lui-même, tabarak wa ta'ala, il est au-dessus de ses créatures, il n'est pas mélangé avec ses créatures, et en même temps Allah possède des plus hauts attributs, ceux qui ne peuvent être assimilés à ses créatures, à ceux de ses créatures. On va faire un petit peu d'arabe, inshallah. Je vous ai dit que le visage et notamment le nez, chez les arabes, ça montre un signe de fierté et aussi un signe de noblesse, un sharaf. Yaqul sha'ir, hal ana bid'un min aranini ulan jar alihim sarfu dahrin wa'tada. Je vais vous traduire, inshallah. Il dit, je ne suis pas le premier parmi les nobles et les personnes de notoriété qui ont été ou qui ont subi la transgression des vicissitudes du temps. Non. Car le temps lui-même est très assidu pour éprouver ces gens-là. Alors, Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez bien en arabe. Hal ana bid'un min aranini. Al aranin, c'est le pluriel de arnin. Ou al arnin, c'est le museau, c'est le nez. Ici, dans ce vers de poème, al arnin, il ne veut pas dire le nez. Il veut dire al sharaf ou al siyada. C'est-à-dire la suprématie, les honneurs, les personnes de notoriété. Il dit, je ne suis pas la personne de notre, la première personne de l'autorité à subir les vicissitudes du temps. Non, c'est presque inhérent à ce genre de personne. Pareil, on dit, inna al-aranina talqaha muhassadatan wa lan tara lil-li'amin nasa hussada. C'est-à-dire, les gens qui ont une haute stature, tu les verras toujours enviés. Ils seront enviés dans leur position. Et tu ne verras jamais, pour ceux qui les critiquent, ou plutôt pour les gens bas, tu ne verras jamais de gens qui vont les envier eux. Quel est le terme qui est employé pour les gens qui sont enviés, c'est-à-dire les gens de haute notoriété? Al-Aranin. Al-Aranin, c'est Al-Unuf, Al-Alf, le nez. Donc chez les Arabes, le visage, c'est la chose la plus noble. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un, il a du nif. En fait, il relève le nez comme ça, il a de l'orgueil. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à rabaisser son visage et à se rabaisser. Donc quand une personne, elle rabaisse, elle pose son visage par terre, pour Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il aura réussi à ce moment-là à s'humilier et se rabaisser et ravaler son orgueil devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le sujoud, il a une valeur importante. C'est un des moments les plus forts dans la prière. N'est-ce pas, Narzim? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Ça pourrait paraître contradictoire, n'est-ce pas? Tu traverses et en même temps, tu es le plus proche d'Allah. Ceci nous fait rappeler une chose. Abu Yusuf, le plus grand élève d'Abi Hanifa, avait dit cette phrase. Il avait dit, lorsque je rentre dans un cercle de science, il a dit, il n'y a pas un moment où je suis rentré dans un cercle de science et je me suis cru supérieur à ces gens-là sans qu'Allah me rabaisse devant eux. Et lorsque je rentrais dans les cercles de science et je me considérais comme le plus ignorant et le plus petit, c'est à ce moment-là qu'Allah m'élevait à leurs yeux. Et c'est une réalité, les frères. Voilà, qu'on fait comme. Celui qui cherche à s'élever par autre que l'islam, Allah va le rabaisser. Et celui qui s'humilie pour l'islam et pour Allah, Allah va l'élever. La prosternation, c'est exactement ça. Tu te rabaisses pour Allah, mais en même temps, Allah, il t'élève en degré. Non? Contrairement à ce que pensent les gens orgueilleux, et parmi eux les mécréants, qui disent « Jamais je poserai mon front par terre. » Comme ça, il parle. Pensant qu'il a déjà une makana, pensant qu'il a déjà une position. Mais il n'y a rien du tout. Ce n'est comme l'a dit Abu al-Muhallab, il a dit, au début, tu étais qu'une goutte de sperme. Non? Dans une autre usée. C'est-à-dire, bon, une goutte de sperme. Puis, maintenant tu marches et tu portes en toi les excréments. Et tu redeviendras un cadavre pourri. Il avait dit ça à un gouverneur qui marchait en se pavanant, en laissant traîner ses vêtements par terre et en se croyant le meilleur. Il dit, Awoloka, nutfatun qadira. Wa tahmilu fi hashwika al-azira. Wa fi akhirika jifatun qadira. Non. Donc la personne, elle ne doit pas s'enorgueillir et s'enfler d'orgueil ou s'élever. Elle doit se rabaisser devant Allah tabarakata. En faisant ceci, Allah va l'élever tabarakata, sans qu'il ne fasse aucun effort. Non. Qu'est-ce que l'on doit dire dans le recours, dans le sujoud, afwan? Qu'est-ce que l'on doit dire dans le sujoud? Donc les doigts sont nombreuses, barakallahu fikoum. Bien sûr, on ne va pas toutes les citer ici, mais je pourrais vous renvoyer à ce qu'on avait dit déjà pour le recours. Dans le recours, on avait dit qu'il y a plusieurs doigts à faire. En plus de ce qui nous est demandé au minimum. Ce qui nous est demandé au minimum, c'est Subhana Rabbil Azim. On avait dit, on peut dire aussi Subbuhum Kuddusum Rabbul Malaikati Wabruh. On peut dire ça, on peut dire Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Et Aïcha avait dit, concernant cette dua, que le prophète avait awwal al-Qur'an. Il n'avait fait qu'appliquer le Qur'an lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc Allah ordonne à son prophète de proclamer sa pureté et ses louanges et d'implorer son pardon. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement dans le recours il le faisait, mais aussi ça a été rapporté dans son sujoud. Il disait cette dua en plus de Subhan Rabbiyal A'la. Et il y a d'autres doras que l'on peut dire dans le sujoud que vous pouvez retrouver dans Sifat Salat al-Nabi de Sheikh al-Albani, qui est traduit partiellement en français pour ceux qui n'ont pas l'arabe, et aussi dans Sifat Salat al-Sheikh al-Asaymin, qui rapporte aussi toutes les doras qui vont dans ce sens, hein, qui sont liées à la prosternation. Concernant les invocations, les frères, ce qui est demandé, ce qui est préférable, c'est de faire les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des invocations d'ordre général, la demande du pardon, la demande de la guider, le raffermissement. Donc c'est des droits qui nous concernent tous au final. Mais il n'est pas interdit, et bien au contraire, que la personne, elle, demande à Allah des choses qui le concernent tout particulièrement. Par exemple, une personne qui est célibataire, il dit Allahumma rzuqni zawjatan salihatan. Ou pour une femme, Allahumma rzuqni zawjan salihatan. Octroie-moi un mari vertueux ou octroie-moi une femme vertueuse. Pour celui qui étudie en sciences, il dit Allahumma rzuqni l'ikhlas. Ou l'ilm al-nafi'a. Ou l'fahm. Ou l'hifd. Ou hakaza. Chacun selon sa situation. Non. Donc ça, en plus de ce qui était répertorié et cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بمعنى ذليلين محقرين humiliés. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exauce. Invoquez-moi et je vous exauce. Donc c'est le meilleur moyen pour invoquer Allah et le meilleur moment pour invoquer Allah, c'est lorsqu'on est prosterné. D'ailleurs, est-ce qu'il faut attendre de prier pour pouvoir se prosterner et faire des doigts? Ou alors peut-on se prosterner comme ça et faire des doigts dans la prosternation? Oui. Celui qui veut se prosterner, il se prosterne. Il n'est pas obligé de rentrer dans une prière de deux rakat pour pouvoir se prosterner. Il se prosterne. Pour la prosternation seule, les ablutions ne sont pas légiférées, ne sont pas conditionnées. Mais c'est préférable. Mais il se prosterne et il invoque Allah, tabarak wa ta'ala. Ou quelqu'un qui veut remercier Allah, il se prosterne. Sujud shukr. La manière. Il en profite pour faire des doigts. Non, mais quoi? Oui, il y a un takbir. Très bonne question. Oui, il y a un takbir. C'est vrai, il m'a échappé, mais il y a un takbir. Non. Il dit Allahu Akbar, il part en sujoud. N'aimez quoi? On passe à la manière de s'asseoir entre les deux prosternations. Donc on a vu comment on fait la prosternation, comment on se positionne et qu'est-ce qu'on dit pendant cette prosternation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On relève la tête en disant Allahu Akbar et là, on va s'asseoir. C'est ce qu'on appelle al-jalsatu bayna sajdatayn, la position entre les deux prosternations. Celle-là aussi est légiférée et conditionnée par les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors ici, on avait vu tout à l'heure le hadith que la personne qui se relève de la prosternation, il est légiféré parfois qu'il lève les mains en même temps, en disant Allahu Akbar. Ahyanan barakallahu fikum. Et ça dit matin, ce n'est pas tout le temps. Ahyanan. Naam. Et donc, alladhi yurid an yusiba as-sunnah, falyarfa' yadayhi 'inda raf'i min as-sujud ahyanan. Maghratan fi ash-shahr, aw maghratan fi ash-shahr, aw maghratan fi al-'am, wa hakadha. Aw maghratan fi al-hayat. Laman, naam. Ahyanan. La sunnah c'est quoi? Ou c'est quoi l'habitude du prophète? C'est qu'il ne levait pas les mains à ce moment-là. Il dit juste Allahu Akbar. Mais celui qui le fait une fois de temps en temps, c'est une sunna. Barakallahu fikoum. Il s'assoit sur son pied gauche et il lève le pied droit. Il s'assoit sur le pied gauche et il lève le pied droit. C'est-à-dire il va lever le pied droit avec les orteils en direction de la qibla. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des fuqaha, al-iftirash. Bimana, yufrishu qadamahu al-yusra. Il va allonger son pied gauche. Voilà pourquoi on l'appelle l'iftirash. Donc il s'assoit dessus et il lève son pied droit. Cette position de l'iftirash, elle est légiférée entre les deux prosternations et lors du premier tashahhud. C'est les deux endroits dans la prière où l'iftirash il est légiféré. Entre les deux prosternations, dans toutes les rak'at, et dans le premier tashahhud, c'est-à-dire à la fin de la deuxième rak'at. Taïb. Ça, c'est une manière de faire. Il y a une autre manière de faire, ce qu'on appelle al-iqa'a. Al-iqa'a, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir sur tes deux talons. Tu vas laisser tes pieds debout et tu t'assois sur tes deux talons. Ceci a été rapporté par l'imam Muslim d'après la version d'Abdullah ibn Abbas. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Abbas dit à cet effet, Bal hiya sunnatu nabiyikum. Ceci est la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-iqa'a. Alors, pour enlever toute ambiguïté, il y a deux iqa'a possibles. Iqa'a, c'est la manière de s'asseoir. Il y en a deux qui sont deux manières de le faire. Une qui est détestable, makruh, et une qui est sunna. Celle qui est makruh, c'est celle où le prophète a dit La tajlisu ka iqa'a al-kalbi. Ne vous assiez pas comme à la manière du chien. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu vas poser ton postérieur par terre et tes deux jambes, elles vont être sur le côté et les pieds debout. Non, faut être un gymnaste pour faire ça. Non. C'est interdit de faire ceci, c'est une manière de s'apparenter à la manière que le chien, dont le chien s'assoit. C'est une manière qu'a le chien de s'asseoir et il est interdit de ressembler aux animaux. Non. De s'assimiler aux animaux. Celle-là, elle est évacuée. La deuxième, c'est celle que je vous ai citée, c'est que la personne s'assoit sur ses deux talons. Il laisse ses pieds debout et il s'assoit sur ses deux talons. En faisant ceci, nous n'avons fait qu'appliquer le sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Et pour celui qui veut le numéro du hadith, c'est le numéro 536. 536. Non. Cette manière de s'asseoir, l'iqa'a, barakallahu fikum, celle-là, elle est restrictive seulement entre les deux prosternations. On n'a pas le droit de s'asseoir comme ça pour le tashahhud, ni le premier, ni le deuxième. On ne s'assoit que de cette manière qu'entre les deux prosternations. Non. Taïb. Ceci étant dit, il pose sa main gauche sur sa cuisse gauche, les mains tendues. Non. Et il pose la main droite sur sa cuisse droite. C'est-à-dire que le prophète nous a interdit, lorsqu'on se relève de la prosternation, de laisser les mains par terre. N'est-ce pas? Avant, quand on était prosterné, les mains étaient par terre. Donc, lorsque je relève ma tête, il faut que je relève aussi mes mains. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les deux mains se prosternent comme le visage. Lorsque vous posez votre visage, posez les deux mains. Et lorsque vous relevez le visage, relevez les deux mains. C'est le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Donc les deux mains, elles ne doivent pas rester par terre. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les reposait sur ses cuisses. Il reposait les mains sur ses cuisses. D'ailleurs, ici, survient une divergence chez les savants. À savoir, la main droite, est-ce qu'elle reste sur la cuisse immobile ou alors on doit bouger le doigt comme on le fait dans le tashahhud? Le premier avis, c'est ceux qui disent les mains, elles restent sur les deux cuisses immobiles, sans rien faire. Les doigts tendus, les doigts vers la qibla, et la personne, elle ne dit que les doigts, elle dit Rabbi Firli, comme on va le voir, Inch'Allah. Elle ne fait rien avec ses mains. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, Jumhur, l'ulama, la majorité. Le deuxième avis, c'est le fait de dire que pendant cette assise entre les deux prosternations, il va falloir bouger le doigt en prenant ce qu'on appelle Al-Khinsar ou Al-Binsar ou Al-Wusta. Al-Khinsar ou Al-Binsar, il va falloir les attraper avec le Wusta. On les attrape comme ça. On les ferme. Wal-Dhummu Al-Ibham Wal-Sabbaha. Et on bouge le doigt comme ça. Cette manière. Ça, c'est une première façon de légiférer. Deuxième façon, on fait ce qu'on appelle un tahliq al-halq. Bain al-wusta, entre le majeur et le pouce, et on bouge l'index, et on ferme l'annulaire et l'auriculaire. En arabe, al-khinsar, c'est le petit, ou al-bansar, c'est celui qui vient ici. Donc, on fait comme ça, ou comme ça. D'accord? Et on bouge le doigt lorsqu'on fait les doigts. Lorsqu'à chaque doigt qu'on fait, on bouge le doigt. Comment sortir de cette divergence, barakallahu fikoum? Rappelez-vous ce qu'on avait dit pour la position des deux mains lorsqu'on se relève du recours. Elles doivent revenir sur la poitrine. Car nous avons le hadith de Sa'd ibn Sa'd ibn Sa'idi radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui, lorsqu'il décrit la prière du prophète, dit « Nous étions, nous, ordonnés de poser les deux mains ou la main droite sur la main gauche en position debout dans la prière, dans toute la prière, c'est-à-dire. » Donc, c'est la base. Ici, nous avons un hadith aussi qui nous stipule que cette manière de faire aussi doit être faite dans toute la prière. À chaque fois que la personne est assise, elle doit bouger le doigt lorsqu'il fait des doigts. Quel est ce hadith? En vérité, il y en a deux. Il y a deux grands hadiths. Deux hadiths authentiques et un qui fait objet de divergence quant à son authenticité. Le premier des deux hadiths, je vais vous le lire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le hadith de l'imam muslim, d'après la version de Abdullah ibn Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kana idha jalasa fi salati. Retenez bien ceci, lorsqu'il s'asseyait dans la prière, fi salati, wada'a yadihi ala ruqbatayhi, il posait ses deux mains sur ses deux genoux, wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati tali al-ibham, et levait le doigt, celui qui vient juste après le pouce, فَدَعَا بِهَا, et l'invoquait avec. وَيَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى رُقْبَتِهِ بَاسِتَهَا عَلِيهَا, alors que sa main gauche était posée, immobile, sur sa jambe gauche. Non? Ou sur son genou gauche. Hadith rapporté par l'imam muslim. Le deuxième hadith, on y a une autre version d'abord de ce hadith-là. وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَ عَلَى فَخِدِهِ الْيُمْنَ, il posait sa main droite sur sa cuisse droite. وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ, puis il serrait tous ses doigts, c'est la façon que je vous ai montré tout à l'heure. Il prenait tous ses doigts et il serrait le ibhab, c'est-à-dire le pouce, avec son doigt, l'isbar, c'est-à-dire si al-sabaha, et il l'invoquait avec. Et il posait, وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَ عَلَى فَخِدِهِ الْيُسْرَ, et il posait sa main gauche sur sa cuisse gauche. C'est clair? Nous avons le deuxième hadith, rapporté par l'imam muslim d'après Abdullah ibn Zubayr. اسمعوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد, lorsque le prophète s'asseyait, صلى الله عليه وسلم, يدعو, il invoquait. وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى فَخِدِهِ الْيُمْنَ, il posait sa main droite sur sa cuisse droite. وَيَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى فَخِدِهِ الْيُسْرَ, et sa main gauche sur sa cuisse gauche. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَ, et il pointait avec son index, السَّبَّابَ. ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. Et il posait son pouce sur le majeur pour faire un cercle. ويلقم كفه اليسرى ركبته. Et il prenait de sa main gauche son genou gauche. Ici aussi, qu'est-ce qu'on constate dans ce hadith? Abdullah ibn Zubair a dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو كذا كذا. Lorsqu'il était assis et qu'il invoquait, il faisait ceci et cela. Et parmi les choses qu'il a décrites, c'est qu'il bougeait le doigt. Donc ces hadiths-là ne prouvent pas, les frères, ils ont une portée générale et ils nous prouvent que à chaque fois que le prophète était assis sallallahu alayhi wa sallam et qu'il faisait des doigts, il bouge le doigt. Clair? Il y a un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dawud et autres, hadith de Walid ibn Hujr, qui lui est clair de sens, c'est-à-dire qu'il spécifie que cette manière de faire est entre les deux prosternations, ce qui nous intéresse ici. Or, ce hadith-là, il ne fait pas l'unanimité quant à son authenticité. Cheikh al-Albani le da'af, le rend faible. Je vais prendre juste la partie qui nous intéresse. Il dit: وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَدْوَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. Puis il s'asseyait et donc il se prosternait, puis il posait ses deux mains à hauteur de ses deux oreilles par terre, puis il s'asseyait et il allongeait le pied gauche, puis il posait sa main gauche sur son genou gauche, puis il posait son bras droit sur sa cuisse droite et il pointait du doigt. Il pointait du doigt avec l'index et il posait le pouce sur le majeur en formant un cercle comme ça, ce qu'on appelle le tahliq. فَقَبَضَ صَائِرَ أَصَابِعِهِ. Puis il prenait ses autres doigts comme ça. Il refermait l'annulaire et l'auriculaire. Puis il se prosternait. Donc on est bien ici entre les deux prosternations. Mais ce hadith-là n'est pas authentique. Non, on dit qu'il est chaise, c'est-à-dire qu'il contredit des hadiths qui sont clairs. Donc ici, la divergence, elle tient sur quoi, les frères? La divergence, elle tient sur le fait que le Jumhur et le ulama, qu'est-ce qu'ils disent? La majorité des savants, ils disent que cette manière de faire, en fait, qui a été spécifiée dans le hadith de Ibn Omar et de Abdullah ibn Zubair, elle nous parle en fait de la du tashahoud, du premier tashahoud et du dernier tashahoud. C'est à ce moment-là qu'on bouge le doigt. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent ces hadiths-là, ils ne parlent pas de la position assise entre les deux prosternations. Mais ils nous parlent lorsque la personne est assise pour faire le tashahoud, le premier et le deuxième. Non? Alors, comment on répond à ceci? On dit que ces hadiths-là ne viennent pas spécifier les autres hadiths qui nous prouvent qu'il faut faire ceci dans le tashahoud. Car pour spécifier une chose, il va falloir venir avec quelque chose qui vient contredire la généralité. Par exemple, si je dis j'ai 20 élèves et je dis honore tous tes élèves, non, occupe-toi bien de tous tes élèves, et à côté je dis et honore, je sais pas moi, Asim, et Asim il fait partie des 20 élèves, t'as, lorsque je dis honore et occupe-toi bien de Asim, est-ce que ça veut dire que je m'occupe pas bien des autres? Réponse: non, ça ne signifie pas ceci. Et c'est exactement la même chose ici. C'est pas parce que ici le prophète dit ça d'une manière générale ou dit ça dans le tashahoud que ça vient annuler la généralité. Par contre, si je dis maintenant honore Asim sauf les autres, donc les 19 ils vont passer à la trappe, n'est-ce pas? Là c'est ce qu'on appelle en arabe un tarsis. Vous avez compris? Bon, c'est un petit peu technique, mais je vous montre l'argumentation pour arriver, au final, à prouver qu'il est légiféré, et c'est ça la sunna, et c'est ça le qawl sahih, qu'il faut bouger le doigt entre les deux prosternations. Ils disent, tous les hadiths, le hadith de Ibn Omar ici, et de Abdullah ibn Zubair, ils ne viennent que conforter, ou ils doivent être expliqués, dans les hadiths qui ont été rapportés dans le tashahoud du milieu de la fin. Non? Alors que ceci n'applique pas cela, comme on vient d'expliquer. Si par exemple on avait Abdullah ibn Omar, il dit كان النبي إذا جلس في الصلاة. Donc c'est général. S'il avait dit par exemple كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأول, l'affaire aurait été réglée. Là, il précise. Et puisqu'il a dit في الصلاة, ça nous prouve bien qu'il faisait ceci donc, à chaque fois qu'il était assis et qu'il l'invoquait ou qu'il faisait des doigts. Non, mais quoi ? Attention. L'allamatul albani, rahmallah, tabarak wa ta'ala, dit que cette manière de faire est une bid'a aussi. Rahmallah, tabarak wa ta'ala. Non, mais on répond comme on a répondu, comme a répondu Cheikh Ibn Baz. Non, lorsqu'il a dit, je ne connais pas une personne plus savante des ahadiths sous le ciel et sur la terre à notre époque que Cheikh al-Albani. Rahmallah, tabarak wa ta'ala. Et dans celui qui bouge entre le bougement entre les deux prosternations, faqad asaba sunnah, inshallah, falahu ajran. Non. ومن لم يحرك بين السجدتين فله أجر واحد إن شاء الله. Mais en tout cas, on ne doit pas, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas occasionner des conflits, des disputes, des querelles et des polémiques à non plus en finir. Je sais que là, ça ne fait pas l'unanimité ce que je viens de dire. J'en suis conscient. Mais khair, Inch'Allah, qu'Allah accepte nos prières. D'ailleurs. Dernière chose que je vais dire, on va finir le cours par ceci, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est quels sont les doigts que l'on doit dire entre les deux prosternations. Il est recommandé de dire au minimum, il est recommandé, il est obligatoire de dire au minimum, Rabbi ghfirli, au moins une fois. Voilà ce qui est demandé au minimum. C'est une obligation de la prière. Dans le sens où, comme vous le savez, si je délaisse cette obligation volontairement, ma prière est annulée. Je recommence, je sors de la prière, je recommence. Donc, Rabbi ghfirli. Mais il y a d'autres doigts qui sont légiférés comme Rabbi ghfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzukni. Ça, on le dit, que l'on soit seul, derrière l'imam ou imam. Peu importe. Non, je crois. Taïeb. Non. Il y a toutes les autres doigts qui vont dans ce sens-là, Inch'Allah. Rabbi ghfirli, warhamni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wajburni, dans d'autres versions. Inch'Allah, tout ceci est légiféré. Rabbi ghfirli, qu'est-ce que le ghufran, ikhwa ? Le pardon. Qu'est-ce que signifie le pardon ? Pour toi, ça veut dire quoi, le pardon ? Voilà la question que je pose. Si on a fait quelque chose dans la journée, peut-être, ou après la semaine. Quand tu demandes pardon à Allah, qu'est-ce que tu attends en retour ? Il l'accepte. Ah, j'ai entendu déjà un élément de réponse. Il cache le péché. Il cache. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait que ses péchés soient dévoilés aux yeux des gens ? Non. Donc quand je dis Astaghfirullah ou Rabbi ghfirli ou Allahumma ghufranak, ce genre de choses, on demande le ghufran, ça veut dire premièrement qu'on demande à Allah qu'il nous cache ce péché aux yeux des gens. Je l'avais déjà expliqué, ça me semble. Dans Safarinia, il me semble, n'est-ce pas ? Taïb. Rafara, ça veut dire cacher, ça veut dire protéger aussi. Voilà pourquoi les Arabes, le casque de guerre qu'ils mettaient sur leur tête, ils l'appelaient Al-Mirfar. Donc c'est la même racine trinitaire, Rafara, Raifara, Al-Mirfar, car il cache le visage et il protège. Il faut avoir ça en tête, c'est très important. Donc quand je demande, quand j'implore le pardon d'Allah, je demande qu'il me cache ce péché. Un. Deux, je vous ai donné le sens. Qu'il m'efface. Qu'il me préserve sur la table. Hein ? Sur la table, c'est quelqu'un qui nous efface le péché. Il nous protège des péchés. En fait, c'est lié. Qu'il te protège des mauvaises conséquences de ce péché. Autrement dit, qu'il te les efface. Il te protège des mauvaises conséquences de ce péché, car les péchés ont des mauvaises conséquences. N'est-ce pas ? Ne pensez pas que quelqu'un qui a fait un péché, là, il dit astaghfir, il dit rien du tout. Il fait sa vie, normalement, il ne pense pas que ce péché-là, il reste comme ça, ou il part comme ça dans la nature. Il se peut que tu goûtes aux mauvaises conséquences de ce péché dans cette vie-là, dans la tombe ou dans l'au-delà. N'est-ce pas ? Donc il faut faire attention à ceci, barakallahu fikoum, ikhwa. Rabbi ighfirli. Ça, c'est déjà une première chose. Warhamni. Qu'est-ce que rahma? Hein? La miséricorde d'Allah, tabarakallahu ta'ala. Allah dit, tabarakallahu ta'ala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde a vaincu ma colère. La miséricorde d'Allah a vaincu sa colère. Et le jour du jugement pour celui qui lit un petit peu ce qui va se passer le jour du jugement, il verra que la miséricorde d'Allah est omniprésente. C'est comme un fil conducteur, du début à la fin. Non? Ceux qui seront châtiés par sa justice. Et ceux qui rentreront au paradis et qui seront pardonnés, ils ne sont pardonnés que par sa miséricorde. Ce n'est pas par nos actes que nous allons rentrer au paradis, sachez-le. Non. Le prophète a dit, vous ne rentrez pas au paradis par vos actes. Bi'amalikum. La antum wa la ana. Même moi, je ne rentrerai pas par mes actes au paradis. Car le paradis, comme a dit le prophète, sil'atuhu aliya, sa marchandise, elle est chère, très très chère. Non, la marchandise du tout miséricordieux, elle est chère. Sa marchandise, c'est le paradis. Sil'atuhu rahmani ghaliya, sil'atuhu rahmani al-jannah. Donc on ne pourra jamais l'acheter avec nos petites actions. Donc le prophète a dit, vous ne rentrerez pas au paradis par vos simples actes. Et les compagnons ont dit, ni toi, ô envoyé d'Allah, il a dit, ni moi, si ce n'est qu'Allah me couvre de sa miséricorde. Illa an yataramadani Allahu bi rahmati. L'importance de demander la miséricorde d'Allah et d'implorer la miséricorde d'Allah, tabarak wa ta'ala. Wahdini, guide-moi. Ça, on le demande tout le temps. Même dans la Fatiha, on le demande. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Qu'est-ce que le hidayah, les frères? La guider. Tayyib. Nous, en tant que musulmans, on demande la guider. Mais on est déjà sur la guider. Quel est le sens de cette parole, alors? Hein? Ah. Premièrement, le raffermissement. Très bien. J'aime bien entendre des réponses comme ça, mashallah. Allah dit, tabarak wa ta'ala, ya yuan nabi, ittaqillah. C'est bien. Ya yuan nabi, ittaqillah. Oh, prophète, crains Allah. Quelqu'un qui ne comprend pas la langue arabe, qui n'a aucune base de l'éloquence dans la langue arabe, il va se dire, comment Allah ordonne à ce prophète de craindre Allah? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a dû faire quelque chose de grave. Là? Ou il ne craint pas Allah. Donc Allah le reprend. Ce n'est pas du tout ça, voilà, que l'on fait. Le prophète était quelqu'un de très pieux. Et lorsqu'Allah lui dit ceci, ce n'est juste qu'à titre de raffermissement. C'est-à-dire, raffermis-toi sur la piété. Ittaqillah. De même, lorsqu'on demande la guider, ou lorsque le prophète demande la guider, alors qu'il est sur la guider, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il demande à Allah qu'il le raffermisse dans cette guider. Ça, c'est pour celui qui est au plus haut de l'échelle, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour des gens comme nous qui font des péchés tous les jours. Ça veut dire premièrement qu'on demande le raffermissement, deuxièmement qu'Allah nous comble les erreurs qui sont les nôtres, qu'il nous comble les déficiences qui sont les nôtres, et qu'il fasse que nous soyons plus à même de recommencer et de réitérer ces erreurs. Naam, ikhwa. Ihdin. Warzukni. Qu'est-ce que Warzukni? On avait parlé de ceci aussi. La subsistance. La subsistance, est-ce que c'est que le ta'am ou le sharab? Est-ce que c'est juste le manger, les boissons, et les femmes, et je ne sais trop quoi? Là. Ce n'est pas que le mad. Ce n'est pas que la matière. Ce n'est pas que le matériel. Warzuk aussi. Il y a un risque qui est d'ordre spirituel, conceptuel. La foi. La foi, c'est une subsistance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La science bénéfique, c'est une subsistance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La guidée, c'est une subsistance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le paradis, c'est une subsistance d'Allah, Jalla wa'ala. Toute chose qui te profite et que tu obtiens de la part d'Allah est une subsistance, quelle qu'elle soit. Donc lorsque la personne elle dit Urzukni, il faut qu'il ait en tête qu'il y a les deux aspects. La subsistance matérielle, celle qu'on en a besoin, celle qu'on a besoin tous les jours pour vivre. Mais ce n'est pas celle-là la plus importante. On demande avant tout la subsistance par laquelle notre religion tient debout. C'est ça la plus importante. Al-hidayah, al-sabat, la fermeté sur la religion, la clairvoyance, la science utile, les actes pieux, les actes d'obéissance, la sincérité, al-ikhlas. Le prophète disait Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Octroie-nous al-ikhlas. C'est une subsistance, les frères. Donc il faut avoir en tête toutes ces choses-là. نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم